Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons faire un autre bout aujourd'hui. Et dans l'Épître aux Philippiens, on est au chapitre 4 et nous on est rendu au verset 10. Notre bon Père du ciel, oh, tu es un Dieu merveilleux, grandiose. Et ta parole nous dit qu'il n'y a rien d'étonnant de ta part, parce que tu es infini, tu es tout-puissant, omniscient, omniprésent. Il n'y a rien de ce que tu veux faire que tu ne peux pas faire. Il n'y a rien ou personne dans ce monde qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire dans le monde et dans l'Église. Seigneur, enseigne-nous encore ce matin. Nous voulons voir ta pensée. Nous voulons voir ton cœur, ton être, afin de t'aimer et de te glorifier. Amen. Nous avons vu ces derniers trois jours qu'il nous encourageait à demeurer ferme dans le Seigneur. Donc, je vous encourage à les écouter si vous n'avez pas écouté. Là, on change de sujet. Je pourrais dire que c'est un exemple de la joie de Paul, ou de la joie de l'Évangile, ou de la joie dans le Seigneur, ou de se réjouir dans le Seigneur, de se réjouir de ce que Dieu fait, de se réjouir de quand Dieu est glorifié. Et dans ce texte-là, ici, on va parler des dons monétaires que Paul a reçus de l'Église de Philippe par Épaphrodite. Donc, Paul, ayant reçu ces dons-là, va prendre le temps de remercier l'Église et de leur dire à quel point ça l'a rendu joyeux. Mais on va voir pourquoi. On va voir pourquoi ça l'a rendu si joyeux que cela. Lisons ensemble, passer du verset 10 jusqu'au verset 19. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être assasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Les dons dans l'Église. C'était un grand sujet de débat, de dispute, de sentiment de culpabilité ou de vaine gloire. L'argent, hein, l'argent. Mais ce Paul ici s'adresse à l'Église parce que l'Église avait la coutume de lui envoyer des sous de différentes façons. Là, cette fois-ci, c'est par Épaphrodite. Et il dit au verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler vos sentiments pour moi. » Donc, il dit, « J'éprouve une grande joie à cause des dons que vous m'avez envoyés. » J'éprouve de la joie, je suis content, je suis heureux. Je sais que ça fait longtemps que vous y pensiez, mais vous n'aviez pas l'occasion. Là, le fait que Épaphrodite était d'accord à venir, il est venu. Et il nous a donné l'argent que vous vouliez me donner. Mais il dit, il prend le temps au verset 11 de leur dire, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Donc, si j'ai une grande joie, c'est pas à cause que je reçois de l'argent et maintenant je vais pouvoir acheter le système de son que je voulais. Maintenant je vais pouvoir m'acheter le steak que j'avais envie. Maintenant je vais pouvoir aller en vacances. Maintenant je vais pouvoir m'acheter un auto. Maintenant je vais pouvoir m'acheter du linge. Maintenant je vais pouvoir enfin sortir de ma misère. C'est pas de ça dont il parle. Il prend le temps de dire, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Parce qu'il dit, j'ai appris à vivre dans la joie du Seigneur, dans la joie de la foi, en se réjouissant dans le Seigneur, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. J'ai appris à vivre dans l'humiliation, donc pauvre, et dans l'abondance. Partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Donc, Paul a passé, on le voit, quand on lit les Actes des Apôtres, on voit que Paul, il y a certains moments donné, qui est dans des palais royaux. Et il mange en abondance. D'autres fois, il est en prison, d'autres fois, il est sur des bateaux, d'autres fois, il vit dans la misère. Lui-même décrit sa vie dans 2 Corinthiens. Une vie pas toujours facile. Des fois, il est dans des prisons, le dos écorché par le fouet, enchaîné. D'autres fois, mais il dit, j'ai appris à être heureux. Paul chantait dans la prison, et je suis convaincu qu'il chantait aussi dans les palais. Il était heureux dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il continue à prêcher l'évangile du Seigneur. Et là, il va expliquer au verset 14. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Ça me réjouit. Je suis dans la joie. C'est pas que je cherche les dons, mais je suis content que vous l'ayez fait. Je suis content que vous l'ayez fait. Parce que cet argent qui était envoyé par eux, de eux, par Épaphrodite, et les autres fois qu'ils l'ont fait, est une manifestation de leur cœur, de leur foi. Il dit au verset 17, là je vais sauter par le verset 15 et 16 parce qu'il répète, ça ne fait pas la première fois que vous me l'envoyez. Et au verset 17, il dit, ce n'est pas que je recherche les dons. Même vérité qu'au verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Il dit, ce que je veux, c'est votre bien, c'est que vous soyez de plus en plus riches spirituellement parlant. Ce que je veux, c'est votre bien. Le fruit qui abonde pour votre compte. Je veux que vous, je suis content que vous exprimiez votre foi, parce que soutenir Paul dans la foi, ou dans son œuvre, excusez. C'est d'exprimer ma foi. Je crois ce qu'il fait est bien. Je crois ce qu'il fait est de Dieu. Je crois ce qu'il fait est valable pour l'œuvre de Dieu, pour le progrès de l'Évangile. Je le soutiens financièrement. Paul dit, je suis content. Ça me donne une grande joie de voir que vous voulez participer à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est une façon de participer. C'est de pourvoir à un gars comme Paul, qui prêche l'Évangile d'une ville à l'autre, qui établit des églises. Et c'est pour ça que je suis dans la joie. Je suis dans la joie de voir vous, les chrétiens, vous, mes bien-aimés, vous, les saints, investir de vos argents dans l'œuvre de Dieu. Il dit au verset 17, « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. » Je suis dans l'abondance maintenant. J'en ai assez. Je suis plein. Je suis content. Et ça, c'est la première raison qui donne de la joie. Je suis dans la joie à cause que je recherchais un fruit qui abonde pour votre compte. Et le fait que vous m'avez envoyé des dons à plusieurs reprises, ça me dit où est-ce que votre cœur. Ça me dit où est-ce que votre foi. Ça me dit à quoi vous croyez. Vous croyez en celui que vous soutenez. Si vous ne croyez plus en moi et que vous croyez en les mauvais ouvriers, les faux circoncis, vous donnerez votre argent là. Dis-moi, qui tu soutiens spirituellement. Et je vais te dire, oui, qu'est-ce que tu crois? Comment tu vois la vie chrétienne, n'est-ce pas? Puis là, il donne une autre raison qui est dans la joie. Il dit, ce que vous m'avez donné, je vois ça comme ceci. Là, il prend un exemple, il dit, c'est comme un parfum, je trouve verset 18, c'est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Il dit, je vois ça, ces dons-là que vous m'avez envoyés, comme le parfum dans le temple qu'on mettait sur l'autel des parfums, qui est agréable au nez de Dieu, si je peux dire ainsi. Hein? Je parle par image, là. On sait que Dieu n'a pas de nez, Dieu n'a pas de corps, Dieu est un esprit. Mais il dit, c'est une odeur qui lui est agréable. Dieu se réjouit, Dieu est content, Dieu est loué. Parce que soutenir Paul, c'était de soutenir Jésus-Christ, c'était de soutenir Dieu. Il dit, c'est pas juste comme une odeur de l'encens sur l'autel des parfums, c'est aussi un sacrifice d'adoration sur l'autel des sacrifices. Oh, mes frères et sœurs, Paul, il se réjouit parce qu'il voit dans les chrétiens, dans ce geste, leur foi, leur cœur, qui veut investir dans l'œuvre de Dieu, et il voit Dieu qui est loué, Dieu qui est adoré, Dieu qui est exalté, Dieu qui est élevé par le don qu'il reçoit des Philippiens. Oh, frères et sœurs, c'est une belle vérité ici. C'est une très belle vérité. Soutenir l'œuvre de Dieu financièrement, quand Dieu le permet, quand vous le pouvez, quand ça ne prive pas vos enfants de manger, quand ça ne vous prive pas du nécessaire pour vous. Soutenir l'œuvre de Dieu. Là, on dit financièrement, mais ça pourrait être de d'autres façons, mais soutenir financièrement, ça l'amène de la joie dans la vie des gens. Et ça l'amène une certaine sécurité et paix dans celui qui le reçoit. Parce qu'il dit, je sais maintenant qu'il continue à appuyer mon ministère. Je sais maintenant qu'il continue à croire ce que j'enseigne. Il prend une position entre les faux docteurs et moi. Et il prend une position pour Dieu. C'est un peu ce que Paul dit, parce que j'ai vécu depuis 35 ans à peu près, que je vis par des dons que les gens me donnent. Et ce que Paul exprime là, je vous dis, c'est vrai. Il y a une joie qui vient dans le cœur de ceux qui reçoivent des argents. Non pas qui recherchent les dons. Parce que vous savez, comme moi, je pourrais aller travailler comme chacun de vous fait. Et faire des argents. Il en fait peut-être même plus. Mais il dit, je me réjouis parce que je vois les chrétiens ainsi, je vois leur cœur qui s'investit dans l'œuvre de Dieu. Et je sais que quand Dieu voit cela, lui, c'est de la louange, c'est de l'adoration, c'est agréable au Seigneur. C'est accepté par le Seigneur. Et là, il dit au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Faisons attention ici. Ce n'est pas à cause que j'en donne que je vais en recevoir plus. Hein? J'ai vu des chrétiens faire ça. Donne-les ton petit 10 piastres, somme sur l'eau ton petit pain, puis Dieu va pourvoir. Somme ton petit pain, puis Dieu va t'en donner plus. Donne-les ton petit 10 piastres en offrande, ou ton 20 piastres en offrande, et Dieu va t'en donner 40. Il va pourvoir à tes besoins. Bien, la question que je me pose, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Paul était dans 10 ans? Si Dieu pourvoyait à ses besoins. Comment peut-il dire « Dieu va pourvoir à vos besoins » quand lui-même a vécu la disette, la pauvreté, la nudité, le manque de nourriture dans certaines périodes de sa vie? Comment pouvait-il dire que Dieu va pourvoir à tes besoins quand il est en prison enchaîné? Si on le prend du côté matériel ici, ça change tout le sens du chapitre 4. Chapitre 4, c'est spirituel. Faites connaître vos besoins. On a vu que c'était plus spirituel. Il dit, si vous prenez les choses matérielles et que vous les investissez dans l'œuvre de Dieu, Dieu, lui, en retour, va s'occuper de vos besoins spirituels. On n'est pas en train d'acheter, là, frère et soeur. On n'est pas en train d'acheter ici, là. Hein? On ne donne pas des argents pour qu'il nous donne des dons, des biens spirituels. On le donne parce qu'on croit que Dieu est glorifié à travers. Et lui, Dieu va pourvoir à nos besoins spirituels. Il va continuer à nous garder fermes, continuer à nous garder attachés à lui. Nos cœurs, nos pensées, ce Dieu de paix va continuer à nous donner la paix. Il va continuer à créer en nous le vouloir et le faire. Attention, on n'est pas en train d'acheter. On est en train de manifester notre cœur. Et Dieu lui continue à faire son œuvre en nous. Parce que vous savez, comme moi, vous avez probablement vu comme moi, des chrétiens qui enseignaient comme Paul la vérité et qui ont vécu par des moments très difficiles financièrement, des moments très difficiles physiquement, familialement parlant. Donner à l'œuvre de Dieu ne garantit en rien une facilité de vie. Mais Dieu va pourvoir à nos besoins. Si moi, par mes dons, je manifeste ma foi, lui agit envers moi selon la foi que j'ai. Notre bon Père du ciel, ce que nous faisons pour toi, c'est comme un parfum, c'est comme un sacrifice d'adoration. Ça, tu es réjoui, ça t'est agréable. C'est acceptable. Ça manifeste que nous voyons ton œuvre plus grande que nous, plus importante que nous. Et dans ta bonté, dans ta grâce, dans ta souveraineté, dans ta toute puissance, tu vas accomplir envers nous toutes tes promesses. Tu vas combler nos besoins en tout temps et en toutes choses pour qu'on œuvre pour toi. Ô notre Père, donne-nous de vouloir bargainer avec toi. Et on réagit toujours avec reconnaissance, avec amour, avec joie.